Chapitre 6e. Charles et Nicolas, encore tout imprégnés de civilisation, tombaient brutalement en pleine sauvagerie. La vieille fée guyanaise, ne les reconnaissant plus pour ses familiers, entassait comme à plaisir les embûches sous leurs pas, et son acariâtre maussaderie leur ménageait, comme on dit au théâtre, une entrée dramatique. Mais les deux blancs ne s'étaient pas endormis dans les délices de la grande ville, qui d'ailleurs n'amollit que les tièdes et retrempe au contraire les individualités puissantes. Puis ils étaient parisiens, et le parisien, cette quintessence d'activité nerveuse, d'énergie primesautière, de résistance inébranlable, est préparé à toutes les luttes. Point de besoin pour cela d'avoir vu le jour entre le faubourg du Temple et la rue Rochechouart, ou d'être inscrit sur les registres de l'état civil de la mairie du Panthéon. Étant donné que Paris est le point central où s'élabore la vie de la France, le cœur qui rythme les battements de la vie de notre chère patrie, un grand nombre de Français peuvent être des Parisiens, comme les globules rouges du sang sont les éléments qui transportent à tous les points du corps les principes d'existence et de pensée. Les globules rouges se trouvent partout dans un organisme. Les Parisiens circulent de tous côtés. Il y en a à Saint-Denis, on en rencontre à New York comme à Shanghai. Et de patients chercheurs, on découvrirait peut-être à Pithiviers, la ville qui est avec la Ferté-sous-Jouarre peut s'intituler glorieusement cité béotienne. Aussi, nos deux Parisiens de Guyane, se trouvant tout à coup en face de multiples périls dont un seul était mortel, redevinrent tout naturellement les intrépides Robinson. « Bon, » dit Charles avec insouciance, « nous en avons vu bien d'autres. »« C'est absolument vrai, » opina Nicolas, qui dans de pareilles conjonctures ne pouvait être d'un avis contraire. « Eh, que diable fais-tu là ? » ?»« Je me mets à mon aise. » »« On ne sait pas ce qui peut t'arriver. Libre à toi d'en faire autant. Vois-tu, les molletières du bon faiseur et d'excellents souliers en cuir fauve peuvent à un moment donné empêcher les mouvements d'un nageur. Au diable, mon harnachement de chasseur bosseron, je redevins avec mes pieds nus, endurci encore à tous les contacts, ce que j'étais autrefois, un blanc matiné de quadrumane. Bonne idée, fit Nicolas en se déchaussant également. C'est parfait. Comme l'eau monte assez lentement, nous avons tout le temps de faire ou plutôt de défaire notre toilette. Le pantalon est un vêtement incommode. Est-ce que tu penserais à... Non, rassure-toi, les dryades équinoxiales n'auront pas à rougir. Mais les deux tubes d'étoffe qui enferment mes jambes me gênent prodigieusement. Je vais les couper proprement au-dessus du genou et transformer mon inexpressible en un excellent caleçon de bain. Bravo, moi aussi. À ton aise. Le sabre est un indispensable compagnon. Que mon sabre reste dans sa gaine accrochée à ma ceinture. Ah, mon revolver. Y a-t-il de la cire dans ce séjour inhospitalier ? Oui. « C'est parfait. Que veux-tu faire avec de la cire ? Ah ! Ça, es-tu ou n'es-tu plus un Robinson de la Guyane, habitué à triompher de tous les obstacles, en leur opposant les précautions les plus simples et les plus futiles en apparence ? Si, mais regarde-moi opérer, et fais-en autant. Il faut avoir, dans la situation où nous nous trouvons, un revolver prêt à faire feu. Ça me paraît indispensable. Comment feras-tu ? Quand transformé en triton, tu pataugeras au beau milieu de ce liquide vaseux qui monte avec une persistance alarmante. Dame, je ne sais pas trop comment. Moi, je ne sais pas trop, mais je sais suffisamment ce qu'il faut. Je prends un peu de cire, je la mollis en la pétrissant rapidement, j'enduis les 5 cartouches de mon revolver, mon colt n'a que 5 coups, mais ils sont de premier choix, d'une mince couche de cire destinée à empêcher le contact de l'eau avec la poudre et l'amorce et prévenir les ratés. De cette façon, Samuel Colt parlera en temps et lieu, sans enrouement. Je suis sûr de mon coup, et c'est bien quelque chose. L'admiration de Nicolas se compliquait d'un peu de stupeur à la vue de ces préparatifs accomplis en pareil moment avec un sang-froid incroyable aiguisé d'une légère pointe de causticité. « Ma foi, tu m'étonnes. Où diable as-tu appris tout cela ? Ne suis-je pas ton élève ? Tu m'as bien un peu enseigné le raisonnement, et je l'applique en temps et lieu. » Mais assez bavardé, tout est paré, l'eau s'élève. Encore un quart d'heure et nous serons chez les Pirailles. Sacrebleu, et notre blessé, je ne l'oublie pas, et je pense tellement à lui que nous allons tout d'abord opérer son sauvetage. Et comment ? Voici. J'ai toujours le poignet solide, et j'ignore le vertige. La case est appuyée contre un grignon magnifique. Les basses branches s'élèvent à 5 mètres à peine. L'eau n'atteindra jamais une pareille hauteur. Je vais grimper là-haut, puis, une fois installé, je laisse pendre une amarre à laquelle tu accrocheras les deux corps du hamac de notre homme. J'enlève ensuite le tout et bientôt le blessé se balancera comme un lustre entre le ciel et l'eau. Dépêchons, le flot monte et le pauvre diable est incapable de tirer sa coupe. Charles, qui avait déjà de l'eau jusqu'à mi-jambe, avisa un marteau et plusieurs chevilles de fer destinées au chevalet des Suisses. Il enfonça la première à 1,50 m, se hissa à la force des poignets après avoir mis le marteau à sa ceinture. Il sut, par un prodige d'adresse et d'équilibre, se maintenir sur ce premier échelon planté dans le colosse qui n'avait pas moins de 3 mètres de diamètre. Il enfonça la seconde cheville, opéra comme précédemment, répéta plusieurs fois sa manœuvre et se trouva bientôt à cheval sur la plus grosse branche qui s'étendait latéralement au-dessus de la case. « Allons, passe-moi vite le blessé, puis viens me retrouver, nous serons ici comme chez nous. » Le jeune homme, en dépit de l'élégance de ses formes, était musclé comme un lutteur. Le malheureux directeur, inerte dans son hamac, oscilla bientôt au but des robustes bras du sauveteur comme un nid de cacique à sa branche. « Là, c'est parfait. Maintenant, si le cœur t'en dit, viens me rejoindre, car dans quelques minutes, il ne fera pas bon sur la terre ferme. » Nicolas ne se le fit pas répéter. Il retira les papiers renfermés dans les poches de la vareuse de son compagnon, les enroula précieusement, prit sa boussole, la mit dans sa poche et se hissa lentement. « Mais tu n'en finis pas. Dépêche-toi donc, » cria le jeune homme impatient. « Voilà, voilà. Tu ne voudrais pas que j'abandonne nos plans, nos titres de propriété et tous les papyrus de la direction de l'intérieur. Diable, tu as raison, compé. Allons, oh, whis, voilà qui est fait. Notre blessé est bien amarré. Il respire à peu près. Sa situation ne semble pas avoir empiré. Installons-nous ici et attendons les événements. Voyons, que te semble de l'aventure ? Rien qui vaille, répondit le Parisien songeur. La succession des faits était tellement rapide et imprévue que nous n'avons pas eu jusqu'à présent le temps d'y réfléchir. Ton avis ? Je ne sais guère. Avoue que tu ne sais rien. C'est vrai. Et toi ? Je suis logé à la même enseigne. Pourtant, la présence de ce moribond couché jadis au-dessous de la fleur de Victoria surmontée d'une tête d'Aymara signifie quelque chose. Je veux bien que l'incendie soit le résultat d'une imprudence d'ivrogne, mais l'inondation, arrivant à point nommé, non pas pour éteindre le feu, mais succédant à une détonation carabinée, me paraît d'origine suspecte. J'y pensais. Quoique pourtant les forêts guyanaises ne me paraissent guère susceptibles de recéler des êtres disposant ainsi à volonté des eaux et du tonnerre. Sinon des eaux et de la foudre, du moins d'un énorme fourneau de mine placé sous une barre rocheuse, formant un bâtard d'eau naturelle, ou au besoin une ligne de partage des eaux entre deux bassins. Tiens, tiens, ton idée n'est pas si mauvaise. C'est une simple supposition. Mais comme je ne crois pas aux sorcelleries, je tâche de la restreindre aux limites du naturel. Tu as peut-être raison. Mais comment ? Dans quel but ? Comment ? Je n'en sais rien encore. Quant au motif, il se rapporte certainement à la tentative d'assassinat dont cet homme a été victime. L'inondation, à mon avis, a été produite pour parachever à un moment donné l'œuvre de l'incendie. N'avons-nous pas jadis usé d'un moyen de défense plus terrible encore et non moins mystérieux ? Notre clan de serpents n'était pas une armée de soldats de carton. Quoi qu'il en soit, le désastre semble avoir été complet. Le placer est morne comme un cimetière. C'est à croire que tous les ouvriers ont succombé. Sommes-nous les seuls survivants de ce drame lugubre, et nos hommes ont-ils aussi perdu la vie ? Je les connais peu, mais ils me semblent passablement débrouillards, et je croirais volontiers qu'ils ont su se tirer d'affaire. Somme toute, nous voici dans de jolis draps. Joli drap est une manière de parler. Emprunté au vocable de la grande ville, car en fait de drap, je ne vois guère que cette couche grise qui clapote à nos pieds et que la nuit va bientôt dérober à nos yeux. Si nous essayons d'un signal, peut-être quelques ouvriers échappés à la catastrophe sont-ils accrochés comme nous à une branche, je le veux bien. Le jeune homme porta ses doigts à sa bouche et par une manœuvre familière aux chasseurs, fit entendre un sifflement aigu et prolongé. Quelques coups de sifflet vibrèrent dans le lointain, sous les arbres dont les masses sombres se confondaient déjà avec les ténèbres de la nuit qui tombaient rapidement. « Nous ne sommes plus seuls, » dit d'une voix plus basse Charles à son compagnon, « mais il est urgent de ne pas recommencer. Qui sait si nous avons affaire à des amis ou à des ennemis ?» Le signal se renouvela sur des points différents et à intermittence plus ou moins longue, comme s'il était donné par des gens parcourant en canot la surface envahie par les eaux. Les deux Européens tapis sous les feuilles ne firent aucun mouvement. La nuit était devenue complète. Les coups de sifflet se firent entendre, doucement modulés, puis un chien lança quelques jappements brefs et sonores. Un faible gémissement échappa aux blessés. « Pas un mot, siffla la voix de Charles. « Pas un mot, nous sommes perdus !» Puis il ajouta, en s'adressant à son compagnon, « Ceux-là ne sont pas des hommes du placer. Ou je me trompe fort, ou nous allons avant peu pénétrer le mystère qui nous environne. Dans tous les cas, tiens-toi prêt. » « Entendu !» répondit d'un accent faible comme un soupir Nicolas en serrant le manche de son sabre. Un quart d'heure s'écoula. Un quart de siècle. Ceux-là seuls, dont un péril inconnu a fait battre les artères au milieu de cette immensité farouche, en comprendront l'interminable angoisse. Puis on entendit un petit clapotis produit vraisemblablement par des pagaies. Le chien, stylé sans doute en conséquence, n'aboya plus, mais il laissa sortir de sa gorge cette sorte de gémissement strangulé, saccadé, habituel aux animaux de sa race quand ils sentent une piste. Cette plainte de limier en quête devint de plus en plus distincte pour s'arrêter brusquement sous l'arbre servant d'asile aux deux amis et aux blessés. Charles et Nicolas, dont les yeux habitués aux ténèbres pouvaient percer la nuit, aperçurent une vague tache noire tranchant sur les flots un peu moins sombres. La tache qui se déplaçait lentement, sans le moindre bruit, affectait la forme allongée d'une pirogue. Le chien soufflait faiblement, comme si une main puissante eût étreint son museau. Le tronc du grignon, tressé de fibres dures et sèches, résonna sous un choc assez peu intense, mais qui pourtant se répercuta de la base à la cime, tant est grande la sonorité de ce bois incomparable. Ce heurt ne pouvait avoir été produit que par la pointe de la pirogue. Cette opinion fut aussitôt corroborée dans la pensée des deux amis par l'imperceptible rumeur de voix qui le suivit. Charles arma son revolver en appuyant sur la détente pour empêcher le craquement de la batterie. Le revolver était un New Colt, une arme admirable, à canon court, de très fort calibre, qui malgré sa petite dimension comme longueur, possède une justesse et une pénétration incroyables. Pour ajouter encore aux garanties de sécurité offertes par cette arme, l'inventeur l'a pourvue de 3 crans. Charles, peu familiarisé avec son maniement, négligea de comprimer assez longtemps la détente et le 3e cran fit entendre ce bruit sec bien caractéristique. La pirogue déborda lentement, décrivit une circonférence complète autour de l'arbre qui servait de pivot et revint à son point de départ. Les bateliers, plus silencieux que jamais, s'arrêtèrent et se livrèrent à une mystérieuse besogne qui dura près de 10 minutes. La fine écorce du végétal géant, piquée, en quelque sorte grignotée, crépitait doucement sans que les deux amis puissent démêler la cause de cet imperceptible bruit. Charles, qui ne pouvait communiquer ses impressions à son compagnon, n'était pas éloigné de supposer que ces étranges visiteurs eussent appliqué un pétard au pied de l'arbre ou, qui sait, peut-être un tube de toile rempli de dynamite et enroulé circulairement. La violence de la détonation qui avait précédé l'inondation ne rendait cette hypothèse aucunement inadmissible. Il n'en était rien, fort heureusement. Le travail exécuté au pied de l'arbre cessa, et à la grande stupéfaction des deux blancs, une voix pleine, sonore, mais possédant un accent guttural très prononcé, s'éleva soudain au-dessus des eaux. 2 cris rauques, « Renga, Renga !» retentirent, précédant une longue phrase proférée dans une langue inconnue et qui semblait une sorte d'incantation. Puis le cri de « Renga, Renga !» poussé par plusieurs voix, vibra 2 fois. La pirogue s'éloigna lentement en produisant ce léger clapotis qui avait signalé son arrivée. Charles désarma son revolver et rompit le premier le silence. « Décidément, mon cher Nicolas, nous pataugeons littéralement en plein mystère. Je croyais bien connaître tous les secrets de ma forêt. Il faut qu'on me les change pendant mon absence. » En effet, que diable peuvent bien vouloir ces paroissiens-là avec leur renga, un mot que je n'ai jamais entendu ici, et leur phrase baroque, plus incompréhensible que l'auvergnat le plus pur. Si du moins la lune, qui montre maintenant une des pointes de son croissant, avait ni apparaître au bon moment et laissé tomber un rayon sur ses prêtres de je ne sais quelle divinité baroque. Tu aurais pu sinon leur envoyer une balle de 11 mm, du moins trouer leur barque au risque d'un éborgnien. Nous eussions peut-être su à quoi nous en tenir. Et réussi à nous faire larder de quelques flèches. Par une nuit pareille, il n'y a aucun danger. Somme toute, ils ne nous ont rien fait. J'aurais eu mauvaise grâce à entamer les hostilités contre des hommes, probablement un peu fêlés, mais que nous devons regarder comme inoffensifs jusqu'à plus ample information. Le dialogue fut coupé à ce moment par un nouveau clapotis, mais il était puissant comme celui que produirait une embarcation montée par 4 hommes pagayant à tour de bras. En même temps, un souffle précipité, semblable au ronflement d'un coursier hors d'haleine, sembla sortir d'un remous. La lune se trouva malheureusement de nouveau cachée par un nuage, mais pas assez vite cependant pour que le jeune homme n'eût le temps d'apercevoir une forme brune, s'avançant rapidement vers le point abandonné quelques minutes avant par les canotiers. Le souffle qui devint plus ardent, plus rauque, était accompagné de clapotements rapides dans l'eau. On eût dit un bruit occasionné par un homme nageant en coupe, mieux encore, celui des nageoires d'un cétacé. Homme ou bête, la chose innommée et presque invisible s'arrêta au pied de l'arbre, renifla avec cette sorte d'ébrouement saccadé familier au baigneur et barbota bruyamment. « Sacrebleu !» gronda Charles énervé. « Je veux en avoir le cœur net. Qui vive ? » s'écria-t-il d'une voix éclatante. « Qui vive ?» Pas de réponse. « Une troisième fois, qui vive ou je fais feu ?» Les reniflements et les ébrouements recommencèrent de plus belle. Charles, impatienté, visa tant bien que mal et serra la détente. Les cartouches du revolver New Colt portent une charge de poudre très considérable, nécessaire à la grande pénétration et à la tension de la trajectoire du projectile. Aussi, la détonation roula-t-elle comme un tonnerre, en se répercutant au loin sous les branches et sur les eaux. La lueur qui l'accompagna fut aveuglante. Un cri épouvantable retentit. Un de ces cris, qui domine la grande symphonie conduite chaque nuit à grand orchestre par le terpe équinoxial. Les deux Robinson, plus surpris qu'alarmés, ne se rappelaient pas d'avoir jamais entendu pareille clameur. Le visiteur inconnu fit un brusque mouvement et plongea au milieu des eaux qui jaillirent sous la poussée. « Il en tient !» dit Charles Joyeux, en glissant une cartouche dans le cylindre de son revolver. « Ma foi, tant pis pour lui !» La scie avait par trop duré. « Ah ça !» reprit Nicolas. « Est-ce que cette histoire va longtemps durer ? N'entends-tu pas ces appels réitérés là-bas, du côté de la crique ? Tu as raison. Mais n'ai-je pas aussi la berlue ? Il me semble voir des lumières. » « C'est par Dieu vrai. Les nouveaux venus, au moins, ne se cachent pas. Ils ne peuvent être que des amis. Ai-je la fièvre ? Suis-je fou ? Nicolas ? Mais oui, c'est mon nom. On m'appelle. On prononce ton nom aussi. Plus de doute. Grand Dieu, si c'était... « Charles ! Nicolas !» crient les voix en s'approchant. « Charles ! Nicolas ! Où êtes-vous ? Mon père ! Mes frères ! » cria le jeune homme éperdu. « Monsieur Robin ! Les enfants ! » bégaya le Parisien. « Par ici ! Par ici ! Où êtes-vous ? Mon père ! À nous, mon père ! » reprit Charles en déchargeant un second coup de revolver. Le bruit et l'éclair guidèrent les Robinson qui arrivaient en pagayant à perdre haleine. L'ingénieur, en pleine lumière, se détachait au milieu de la lueur fumeuse produite par sa torche de cirier qui éclairait le torse luisant de l'homme debout à l'avant. Il arriva sous le grignon, leva la tête et aperçut enfin les deux hommes à cheval sur la branche et près d'eux le hamac dans lequel gisait épuisé par la fièvre le malheureux directeur du placer. « Père, père, c'est nous, où donc est maman ?»« Charles, mon enfant, mon cher petit !» cria d'une voix brisée par l'émotion Madame Robin qui arrivait en ce moment. « Tu n'es pas blessé au moins. Tout va bien, tout va très bien, puisque nous sommes réunis. »« Charles, » disaient joyeusement les trois frères, « c'est bien toi. Moi-même, mes bons amis, avec Nicolas, et un joli stock d'aventures, je vous en réponds, depuis le boulevard Montmartre jusqu'au Grignon où nous habitons présentement. »« Pouvez-vous descendre facilement ?» demanda Henri. « Je crois bien il y a un escalier. » Mais procédons avec ordre, et surtout, veillez au large pendant que je vais évacuer l'ambulance. Vous avez des blessés. Un blessé, que vous pouvez apercevoir d'en bas. Le pauvre diable est dans le hamac. Eh bien, Lomi, qu'es-tu donc, mon enfant ? Demanda Robin au bonny sans répondre à son fils. Le noir, les yeux dilatés par l'épouvante, la bouche béante, ne pouvait articuler aucune parole. Son doigt rigide montrait au chef des Robinson l'étrange emblème que nous connaissons déjà, une tête d'Aymara et une fleur de Victoria attachée au tronc de l'arbre. « Qu'est-ce que cela, Lomi ?»« Oh !» répondit le bonny suffoqué. « Oh, mouché, ça, bête-là, bagage à maman d'Ilo, oh, mot, qu'est mourie, oui !»« Tu es fou, mon garçon, avec la maman d'Ilo. Oh, maître, maman d'Ilo, li tu es tout moun, qu'est vu sa bagage là, li ?»« Allons, la paix, tu déraisonnes. Aide-moi plutôt à supporter le poids de cet homme qui descend dans le hamac. » et à l'installer commodément dans la pirogue. Lomi obéit en tremblant, et M. du Vallon était à peine allongé sur les feuilles qui formaient jadis la tente abri, que Charles et Nicolas, dégringolant de leur poste aérien avec l'agilité de deux quadrumanes, étreignaient frénétiquement les membres de la famille. Le jeune homme avait entendu l'exclamation de son camarade Le Bonny. Il leva la tête et aperçut à hauteur d'homme les deux objets semblables à ceux que Nicolas et lui avaient trouvés au-dessus de M. du Vallon. « Tu dis que c'est l'ouvrage de maman Dilo ?»« Eh bien, elle fait de jolies besognes, la naïade guyanaise, si c'est elle qui a mis notre blessé dans un pareil état, et jeté dans ce placer je ne sais combien de millions d'hectolitres d'eau. Heureusement que la crue commence à baisser. Nous allons, si tu veux, père, rechercher nos hommes. J'espère les trouver perchés aussi quelque part comme une bande de coata, en attendant le retrait des eaux. Je ne serais pas fâché non plus de remettre la main sur mon fusil choc-bord, une arme sans pareil, dont je vous apporte à chacun un spécimen. » Il n'était pas prudent de reprendre pendant la nuit cette navigation sur une couche d'eau hérissée d'obstacles, jalonnée comme à plaisir de chicots à peine visibles pendant le jour, et dont l'obscurité rendait la rencontre particulièrement dangereuse. La première pirogue, pesamment chargée, grâce à l'appoint des trois nouveaux passagers, eut coulé bas au premier choc. Les embarcations furent en conséquence amarrées à un arbre, et les lianes servant à cette opération laissaient suffisamment longues pour parer aux inconvénients résultant de la baisse probable de la crue. La nuit se passa sans encombre et même sans fatigue, grâce au récit plein d'humour que fit Charles de son excursion en Europe. Le jour vint, et le jeune homme eut le bonheur de retrouver son fusil enfoui sous une couche épaisse de vase. L'excellente arme n'avait aucunement souffert, tant son habile fabricant, le célèbre Guinard, avait apporté de soin dans sa confection. Le canon, la bascule, le triple verrou et le top levé furent frottés avec un peu de graisse de coata, le meilleur anti-rouille connu, et Charles put bientôt faire admirer à ses frères émerveillés les qualités de ce magnifique produit de l'arquebuserie contemporaine. Sur ces entrefaites, les six hommes, laissés à l'aventure lors de la découverte du corps de M. du Vallon, signalèrent leur présence par leurs cris et quelques coups de feu. Les pauvres diables, encore épouvantés des événements de la veille et des bruits mystérieux entendus pendant la nuit, étaient plus morts que vifs. Il ne fallut rien moins que la vue des Blancs pour les arracher à leur terreur. Ils étaient restés perchés sur des arbres et avaient perdu une partie de leurs provisions, mais sauvé les bagages. Le dommage était insignifiant de ce côté. Enfin, nul ne manquait à l'appel quand les Robinson prirent place à bord du splendide canot à vapeur que l'on retrouva amarré à la place qu'il occupait la veille au soir. Certes, jamais embarcation ne porta semblable équipage. Pendant que le blessé qui commençait à reprendre ses sens était installé à l'arrière sous la tente, l'ingénieur examinait en connaisseur la jolie machine verticale à large fourneau pour permettre le chauffage au bois. Il faisait jouer le petit régulateur perfectionné grâce auquel on put renverser instantanément la vapeur et admirait les imperceptibles appareils destinés au graissage de cet organisme de métal si simple et si puissant. Bref, lui qui n'avait pu se rendre compte des progrès opérés pendant 20 ans par les constructeurs mécaniciens était positivement stupéfié. La provision de bois fut faite en quelques minutes, la chaudière allumée, la pression monta rapidement, et les soupapes s'empanachèrent de blancs flocons. Les pirogues dans lesquelles les 6 hommes d'escorte prirent place furent amarrés à l'arrière du canot, puis Henri saisit avec une joie d'enfant la barre pendant que Charles et Nicolas s'occupaient de la machine. « Père, » dit en souriant le jeune homme, « Henri est le timonier. Nicolas et moi sommes à tour de rôle chauffeur et mécanicien. Tu es notre capitaine, n'est-ce pas ?»« Mais, mon enfant, je t'avouerai que les connaissances techniques me font pour le moment complètement défaut. Plus tard, je ne dis pas. » « Si tu n'acceptes pas le grade de capitaine, je te préviens que bon gré mal gré, nous te bombarderons, amiral. »« Tant d'honneur, mes frères, » répondait en souriant le repère. « Je me rends à merci, et j'accepte le commandement que tu m'offres si gentiment, mon cher petit armateur. »« Eh bien, capitaine, tout est paré. Alors en avant. » Lomi et Bachelico, à ce commandement bien connu, mouillèrent leurs pagaies et s'apprêtèrent à nager. Les braves noirs ignoraient, tout naturellement, ce que c'était qu'une hélice. Ils roidissaient leurs muscles puissants et essayaient, mais en vain, de démarrer l'embarcation pesamment chargée quand le sifflet de la machine lança 2 ou 3 appels stridents. Telles furent leurs stupeurs qu'ils lâchèrent leurs pagaies s'arrêtèrent, pétrifiés, la bouche ouverte, les yeux blancs, les bras tendus, incapables de dire un mot. Mais ce fut bien autre chose quand l'hélice se mit à ronfler au milieu d'un blanc sillage d'écume, et que le canot bondissant sur les flots unis de la crique entraîna les pirogues avec une rapidité vertigineuse. Sans la présence de leur cher blanc, nul doute qu'ils eussent escaladé le bastingage et prestement piqué une tête pour s'enfuir d'une embarcation possédant un piaille si puissant qu'elle marchait seule et 5 fois plus vite que celle montée par les plus intrépides canotiers de la rivière. « Oh, ça, blanc, là ! Oh, mi maman ! Oh, mi dédé ! Oh !» Les interjections se croisaient encore avec une surabondance bien naturelle, en présence d'un pareil prodige, quand on atteignit l'embouchure de la crique. « Tiens !» fit Charles étonné. « Mes canons ne sont plus à leur place. »« Pas possible !» répondit Nicolas. « Le patron avait l'ordre formel de nous attendre. » Un sinistre pressentiment traversa le cœur de Robin. Du canot à vapeur, le regard pouvait s'étendre fort loin sur le Maroni. Les eaux du fleuve géant s'étalaient à perte de vue, grises, plombées, ourlées à l'autre rive d'une interminable bande de verdure. C'est en vain que Charles dirigea de tous côtés son excellente lorgnette marine et fouilla jusqu'aux moindres anfractuosités des rives. Les grosses barques avaient disparu. « Nous sommes volés !» dit le jeune homme en pâlissant légèrement. « J'ai eu tort de me fier à ce forçat libéré. Je ne m'y laisserai plus prendre. Il ne peut être bien loin. Nous allons lui donner la chasse avant peu nous l'aurons rejoint. Et alors, gare à ses oreilles !»« Charles, mon enfant, » reprit l'ingénieur, « je crains bien que tu ne commettes une erreur. Je le connais, je puis répondre de lui. Il est homme à défendre jusqu'à la mort le dépôt que tu lui as confié. S'il n'est plus là, c'est qu'il a été victime d'une épouvantable catastrophe. »